Chapitre 13, le choix librement consenti. Ce livret serait incomplet s'il ne traitait pas d'une réalité concrète et légitime. Il existe des musiciens qui choisissent librement de ne pas être rémunérés pour leur contribution à une communauté. Ce choix mérite d'être respecté. Il mérite aussi d'être précisément délimité. Un choix éclairé n'est pas une règle universelle. Un musicien qui connaît sa valeur, qui comprend ses droits, qui a pleinement mesuré ce que son expertise représente en termes de temps et d'investissement, et qui décide librement de mettre cette expertise au service d'une communauté sans contrepartie financière immédiate, accomplit un acte généreux et volontaire. Cet acte a une dignité propre, mais sa dignité vient précisément de son caractère volontaire et éclairé. Ce n'est pas la même chose qu'un musicien qui ne sait pas qu'il a le droit d'être payé. Ce n'est pas la même chose qu'un musicien qui sait qu'il a ce droit, mais ne peut pas le réclamer par crainte d'être stigmatisé. Le choix ne peut être vertueux que s'il est libre. Et il n'est libre que si l'alternative est réelle et acceptée. Ce que la loi doit et ne doit pas être. Ce qui n'est pas acceptable, c'est d'ériger le choix personnel en règle collective. Et c'est encore moins acceptable quand ce choix personnel est rendu possible par une situation matérielle qui ne concerne pas tout le monde. Un musicien qui exerce par ailleurs une activité professionnelle bien rémunérée peut effectivement contribuer gratuitement à une assemblée sans compromettre sa survie. Mais un musicien dont la musique est le seul ou le principal revenu, dont le sacerdoce au sens littéral est la musique, se trouve dans une situation radicalement différente. Lui imposer le même standard, c'est lui demander de vivre d'amour et d'eau fraîche au nom d'une spiritualité que le musicien amateur peut se payer le luxe d'afficher. C'est la distinction fondamentale entre le chanteur du dimanche et le meshoreur. Le premier peut adorer librement et contribuer bénévolement. Le second est un professionnel dont la musique est le travail et le chant confié par Dieu. Ce que l'un peut offrir gratuitement sans se mettre en danger, l'autre ne peut pas l'offrir sans se dépouiller de sa péoula. Leçon 13. Choisir librement de ne pas être payé est un acte respectable, à condition qu'il soit éclairé et volontaire. Ce choix personnel ne peut pas devenir la norme imposée à tous, notamment à ceux dont la musique est le métier et le principal revenu. Le chanteur bénévole du dimanche et le meshoreur professionnel sont deux réalités distinctes. Les confondre délibérément pour éviter de payer le second est une manipulation.